Yeah, la crap s'enfoiré. Bootleg, volume 1. Sayan à la prod. Je répète, foutez-moi là, B. Je répète, foutez-moi là, B. La LP te bat, c'est dans la voilà. Viens à mes concerts si tu veux me voir à B. Même pas 6 mois passés, que je me revois là, prêt. Truc de malade, faut démarrer. Ça rapporte pour aimant déchausser les molaires. Je suis à l'ancienne, certains diront que c'est démodé. Je suis dans ma lancée, je me fous bien de faire un CD moderne. Dans l'enseignement, on parle de bail équitable. C'est l'air des tout-puissants élus par des kidams. Marianne, c'est Nikita. Combien de petits kidams, combien l'état liquida. Faut déjà se dire un truc, leur soif d'argent et leur besoin de pouvoir ne sera jamais rattrapé par l'éthique. Pour rester poli, je dirais que c'est pathétique. Marre de se faire berner par les politiques. Balance un tas de phrases stylées. Fuck Babylone, rien que ça pilonne. Donc je gratte ça, lance une phrase à une trappe, ça la crappe, ça la pilote. Je connais ma cible, je vise un minimum. Je suis amoureux de classique, je l'aime infiniment. Dans la cage thoracique, ouais j'ai mis les mots, je me fous de faire des classiques, je veux un mini moi. Et toute ma famille est là depuis tant d'années. Mais si Marine pas, je crois que je vais devoir m'en aller. Le doigt sur la détente, comme on se détend quand on vit des temps d'années. Je rappe ça, mais combien subissent la pression. Être sous seuil de pauvreté est la pire des agressions. On a grandi entassé, ou comment ne pas s'aimer. Tu repenses au passé, tu te demandes quand tu vas céder. Nous on rêve de brasser, pas de voir l'état saigner. Au fond je serai toujours blasé, même si je vends des tas de CD. J'accomplis mes thèses, j'écris ma part de nerf. Pour gratter mes sèches, j'ai pas de partenaire. Deux, trois voyous fidèles, pas besoin de plus frérot. C'est nous qui faisons l'actu, on a la plume frérot. Toujours pas la thune qui me motive, mais quand cabine je ramène tout la tyranne. Non y'aura pas de petit déballage, clique et malade. J'ai rien faire d'autre, mais l'approche la quitte c'est malade. Prends la place de ton rappeur quand il est pas là. Monte le son, vas-y, ma rage est inégalable. Là où je l'ai vécu, j'ai vu, j'écris mes palabres. Un soir d'été sur ma peau, j'ai vu glisser la lame. Plus confiance en personne, dis-moi c'est qui ces gars là. C'est la crap gros. Même loin des projets, je compte bien laisser ma trace gros. Pour calmer mes nerfs, je fume de la frappe gros. Je me répète, je suis même sûr de la trappe gros. Nos destins scellés. Par la pauvreté, je me sens menacé. Vivre sans argent scellé. Mais crois pas que t'es obligé de revendre de l'asset.